British Connection. C'est une émission cool. Mais bon, pas trop quand même, hein. Salut, c'est Régis Cancelier, j'étais invité par British Connection pour vous parler de Jimi Hendrix. En effet, je suis l'auteur d'un ouvrage intitulé « Jimi Hendrix, le rêve inachevé » aux éditions Le Mot et le Reste. C'est en 1986 que j'ai véritablement découvert Jimi Hendrix. Je le connaissais de nom, j'avais déjà lu quelques articles à son sujet, mais en fait, je ne connaissais pas du tout sa musique. Rétrospectivement, il est évident que d'une manière ou d'une autre, j'aurais été amené à découvrir son œuvre, mais c'est en fait le hasard qui a peut-être accéléré un peu les choses, à savoir que bon, j'étais déjà amateur de rock hein, au milieu des années 80, et bah, au lieu de me coucher tôt comme tout bon collégien, assez régulièrement, je veillais assez tard pour écouter une émission d'Yves Bigot. Elle s'appelait Rock à l'œil et était diffusée par Europe 1 entre minuit et demi et 2h du matin. Si je me souviens bien, l'émission débutait par un coup de projecteur sur le 10 de la semaine que les auditeurs pouvaient gagner en répondant à une question sur carte postale. Alors justement, en 1986, avait été publié l'album Jimmy Plays Monterrey. Pour gagner l'album, il fallait répondre à la question suivante. En quel mois de quelle année Jimi Hendrix avait-il fait la première partie de Johnny Hallyday ? Par chance, je venais de lire un article consacré à la période londonienne du guitariste et bien évidemment, la réponse y figurait. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pu envoyer cette carte postale parce que j'étais absolument pas joueur et c'est pourtant comme ça que j'ai pu avoir mon premier album de Jimi Hendrix dans ma boîte aux lettres quelques semaines plus tard. Et de fait, ça a été le début d'une grande passion. Commencer par Jimmy Plays Monterrey, c'était certainement une très bonne chose. D'une part parce que c'est un disque absolument magnifique de bout en bout, mais aussi parce que c'est un disque accessible. C'est-à-dire que Jimmy Plays Monterrey, c'est quand même très très proche de son premier album, Are You Experienced? Et c'est une musique qui est à la fois puissante et directe. C'est pas du tout une musique compliquée à écouter. Jimmy Plays Monterrey, c'est vraiment le Jimi Hendrix rock avec des formats relativement courts, bon, même s'il y a quelques titres où on voit que la dimension expérimentale est déjà là, mais ça reste quand même une musique qui est proche du blues, qui est très directe, avec un enthousiasme absolument formidable. Je vous propose donc d'écouter Killing Floor, le morceau par lequel Hendrix entame le concert, après avoir été présenté ainsi que le reste du groupe par Brian Jones des Rolling Stones. It's only rock, British Connection. Yeah. go. But you got me messing around here with your baby girl, crying and getting cold. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Mais en 1971, je fais partie de cette génération qui, en fait, a découvert Hendrix à partir du milieu des années 80. Et c'est vrai que c'est un moment où il y a une véritable réévaluation de son œuvre. En effet, dans les années 70, le nombre d'albums publiés sous le nom de Jimi Hendrix défie l'entendement. Certains de ses disques sont des albums majeurs, je pense notamment pour les albums posthumes en studio The Cry of Love et Rainbow Bridge. En live, on peut bien sûr citer Hendrix in the West, mais malheureusement, c'est loin d'être le cas de toutes ses publications, car les albums post-mortem d'Hendrix, ça a vraiment été tout et n'importe quoi, et très souvent n'importe quoi. Dans les années 70, de nombreux enregistrements qu'Hendrix avait pu faire au début de sa carrière en tant que simple guitariste de studio, où il n'était pas le leader, ont ainsi été publiés, commercialisés sous son nom, ce qui est déjà tout à fait scandaleux, mais il y a eu pire. Il y a une profusion invraisemblable d'albums sur lesquels Jimi Hendrix ne joue pas la moindre note. On peut se douter que tous les gens qui ont acheté ses disques et ont découvert Hendrix avec des albums enregistrés par des faussaires sans talent n'avaient aucune chance d'apprécier l'importance de son œuvre. Du milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80, il est évident qu'à l'époque, l'étoile Hendrix brillait moins, qu'il était même tombé dans un oubli relatif. Alors c'est là où justement les publications telles que Jimmy Plays Monterey, Live at Winterland, Radio One, ont permis à toute une génération de découvrir Jimi Hendrix et de voir à quel point c'était un musicien important. Bon, il faut pas être naïf, hein, si Hendrix a pu reconnaître un tel revival, c'est aussi parce qu'il avait une image qui était tout à fait exploitable commercialement parce qu'elle était formidable. C'est évident quand vous regardez les films de Jimi Hendrix où il joue de la guitare avec les dents, où il a cette facilité scénique incroyable, il se roule par terre, il brûle sa guitare. Voilà, toute cette aura, avec un peu le côté cirque rock'n'roll, a contribué au succès d'Hendrix. Ce qui m'a vraiment motivé à écrire Le Rêve Inachevé, c'était justement le fait qu'on mettait tout le temps en avant l'image de Jimi Hendrix et qu'on oubliait à quel point c'était un songwriter absolument remarquable. Ses albums studio étaient ceux d'un visionnaire, vraiment d'un architecte sonore. Et comme guitariste, l'apport de Jimi Hendrix se limite pas aux solos thermonucléaires avec de la pédale fuzz ou de la wah-wah. C'est pour ça que l'extrait suivant que je vais vous proposer, c'est une performance en concert d'une de ses plus belles compositions, qui s'appelle Little Wing, où vous pourrez apprécier toute la subtilité de son jeu. Écoutez une seule fois British Connection, et il y a toutes les chances que vous ne vouliez plus rien écouter d'autre. She's walking through the clouds to the circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and a fairy tale. That's all she ever thinks about, riding with the wind. Sad. When I'm I'm sad, she comes to me. A thousand smiles she gives me free. It's alright, it's alright. She says it's alright. Take anything you want from me. Connection avec vous depuis 1982. You rock! Si on veut prendre un petit peu de recul, je pense que le festival de Woodstock est une assez bonne porte d'entrée. C'est l'une des performances les plus mythiques de Jimi Hendrix, à un tel point que lors de l'élection de Barack Obama, c'est assez souvent la version du guitariste qu'on pouvait entendre de Star Spangled Banner, l'hymne américain. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment un mythe se construit. C'est-à-dire que au moment où Hendrix se produit au petit matin du 18 août 69, alors que le concert se terminait la veille, en fait, quasiment les 9 dixièmes des festivaliers étaient partis. Ce qui fait que si vous rencontrez quelqu'un qui aurait eu la chance d'être au festival de Woodstock, il y a toutes les chances que lui-même n'ait pas assisté au concert de Jimi Hendrix. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si vous avez vu le film, vous voyez que sur scène, on a six musiciens, dont deux percussionnistes, un autre guitariste, un trio comme habituellement, donc on voit Jimi Hendrix qui est accompagné de Billy Cox à la basse et de Mitch Mitchell à la batterie, qui peut frapper n'importe quel auditeur un peu attentif. C'est que vous voyez six musiciens sur scène, mais quand vous écoutez le DVD, clairement, il n'y en a plus que trois. Et c'est là où c'est très intéressant de voir la différence entre la réalité d'un concert et l'exploitation commerciale que les maisons de disques peuvent en faire. C'est-à-dire que le concert d'Hendrix à Woodstock, alors, on s'entend bien, hein, la performance musicale, c'est l'une des plus incroyables de sa carrière. Mais ce jour-là, il est évident que sur scène, je pense notamment à Jerry Velez, tout le monde n'était pas forcément au niveau. Et donc vous pouvez avoir un choix de producteur qui va faire que 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, vous allez avoir un DVD totalement centré sur le personnage d'Hendrix et musicalement vraiment centré sur la guitare d'Hendrix en format trio, quand bien même ils jouent en sextet, parce que évidemment si vous écoutez les Pirates, écoutez, l'autre guitariste par moment va jouer un peu faux, et les percussions, ça matche pas vraiment avec le jeu de Mitch Mitchell, et donc par moment, on n'a pas la même puissance brute que celle qu'on peut avoir en trio. Et vous voyez, il y a toujours un peu une sorte de décalage entre la réalité musicale et la façon dont l'industrie musicale va essayer de reprendre à son compte et commercialiser une œuvre. Pour finir, je vous propose ainsi d'écouter un dernier morceau dans British Connection, donc un extrait bien évidemment de Woodstock, Purple Haze. 1982-2022, British Connection, votre émission rock à 40 ans. Putain, tu les fais pas! Mmh. kiss the sky. Hey, all around. Don't know if I come an apple. I'm happy, or if it's a reed. Happy it is, that girl put a spell on me. We'll be right back. Merci à Régis Cancelier de nous avoir parlé de Jimi Hendrix à l'occasion de la sortie de son livre « Jimi Hendrix, le rêve inachevé » chez Le Mot et le Reste. L'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine. Le groupe s'appelle Dead Meat, l'album Sure. Village Idiot, deuxième track de l'album. Elle a été initiée par le batteur qui a enregistré cet album, Baptiste, qui est le batteur d'origine du groupe, qui actuellement n'est pas des nôtres. En fait, il nous avait amené un premier riff de guitare. On a fait « Oh, c'est sympa et tout », c'était assez joyeux dans l'esprit. Donc comme dans notre habitude, on enregistre le morceau en démo de notre côté, avec en tout cas François et moi. On trouve de quoi rajouter et voilà. Donc on le laisse un peu traîner, on ne joue pas trop, voilà, on enchaîne plutôt des concerts, puis bon, bah le. Et là, le confinement arrive, donc juste après, on sort notre EP. On a eu le temps de commencer, et celle-ci, on l'avait mis un peu de côté, et en fin de compte, François est revenu vers nous dire ouais, j'ai trouvé quelque chose, donc en fait, j'ai supprimé le riff de Baptiste, et j'ai fait autre chose avec tout ça. Et c'est devenu ce morceau qui est très psyché un peu du début de ce qu'on avait fait et ce côté un peu plus refrain pop anglais voilà assez rythmé et tout ça s'est un peu composé à distance, donc on l'enregistre aussi et on l'avait jamais joué ensemble ce morceau ou une fois avant le enregistrement histoire de se dire voilà. Le morceau est prêt, on l'a joué avant et puis on l'enregistre. We'll be right back. British Connection, votre émission rock et partenaire du prochain festival Guitare en scène. C'est du 13 au 17 juillet prochain avec entre autres Scorpion, Deep Purple, Jeff Beck, Ben Harper, Last Train et bien d'autres. Laissez vos coordonnées en message privé, il y aura un tirage au sort avant la fin de cette émission et vous recevrez un certain nombre à gagner vos invitations pour la totalité du festival et pour deux. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock!